Michel, tu me passes mon assiette, s'il te plaît. C'est celle-ci ? Non, celle-ci, c'est celle de Gilles. La mienne, c'est celle qui est à côté du plat, là-bas. Moi, je ne sais plus où j'ai mis la mienne. J'ai pris celle de Claire par erreur. Et ce verre à moitié vide, il est à qui ? C'est celui de Paulette ? Non, le sien est là, à côté de ceux de Pierre et Sarah. Oh, quelle pagaille, mes amis ! Il y a une voiture qui gêne devant la grille, c'est celle de Pierre et Sarah, non ? Mais non, la leur est rouge. Oh, je crois que c'est la nôtre. Je vais aller la changer de place. En attendant, je vais prendre un peu de vin de celui-ci. À la vôtre.